Chapitre 13e, Stones Hill. Depuis le choix fait par les membres du Gun Club au détriment du Texas, chacun en Amérique, où tout le monde sait lire, se fit un devoir d'étudier la géographie de la Floride. Jamais les libraires ne vendirent tant de Bartram's Traveling Florida, de Roman's Natural History of East and West Florida, de William's Territory of Florida, de Cleland on the Culture of the Sugarcane in East Florida. Il fallut imprimer de nouvelles éditions, c'était une fureur. Barbicane n'avait mieux à faire qu'à lire. Il voulait voir de ses propres yeux et marquer l'emplacement de la Columbiade. Aussi, sans perdre un instant, il mit à la disposition de l'observatoire de Cambridge les fonds nécessaires à la construction d'un télescope et traita avec la maison Bradwell & Co. d'Albany pour la confection du projectile en aluminium. Puis, il quitta Baltimore, accompagné de J.T. Maston, du major Elphiston et du directeur de l'usine de Gold Spring. Le lendemain, les quatre compagnons de route arrivèrent à la Nouvelle-Orléans. Là, ils s'embarquèrent immédiatement sur le Tampico, aviso de la Marine fédérale, que le gouvernement mettait à leur disposition et, les feux étant poussés, les rivages de la Louisiane disparurent bientôt à leurs yeux. La traversée ne fut pas longue. Deux jours après son départ, le Tampico, ayant franchi 480 milles, eut connaissance de la côte floridienne. En approchant, Barbicane se vit en présence d'une terre basse, plate, d'un aspect assez infertile. Après avoir rongé une suite d'anses riches en huîtres et en homards, le Tampico donna dans la baie d'Espiritu Santo. Cette baie se divise en deux rades allongées, la rade de Tampa et la rade d'Hillsboro, dont le steamer franchit bientôt le goulet. Peu de temps après, le fort Brooke dessina ses batteries rasantes au-dessus des flots et la ville de Tampa apparut, négligemment couchée au fond du petit port naturel formé par l'embouchure de la rivière Hillsboro. Ce fut là que le Tampico mouilla le 22 octobre à 7 heures du soir. Les quatre passagers débarquèrent immédiatement. Barbicane sentit son cœur battre avec violence lorsqu'il foula le sol floridien. Il semblait le tâter du pied, comme fait un architecte d'une maison dont il éprouve la solidité. J.T. Maston grattait la terre du bout de son crochet. « Messieurs, dit alors Barbicane, nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain nous monterons à cheval pour reconnaître le pays. » Au moment où Barbicane avait atterri, les 3000 habitants de Tampa Town s'étaient portés à sa rencontre, honneur bien dû au président du Gun Club, qui les avait favorisés de son choix. Ils le reçurent au milieu d'acclamations formidables. Mais Barbicane se déroba à toute ovation, gagna une chambre de l'hôtel Franklin et ne voulut recevoir personne. Le métier d'homme célèbre ne lui allait décidément pas. Le lendemain, 23 octobre, de petits chevaux de race espagnole, pleins de vigueur et de feu, piaffaient sous ses fenêtres, mais au lieu de 4, il y en avait 50 avec leurs cavaliers. Barbicane descendit, accompagné de ses 3 compagnons, et s'étonna tout d'abord de se trouver au milieu d'une pareille cavalcade. Il remarqua en outre que chaque cavalier portait une carabine en bandoulière et des pistolets dans ses fontes. La raison d'un tel déploiement de force lui fut aussitôt donnée par un jeune Floridien qui lui dit « Monsieur, il y a les Séminoles. » « Quels Séminoles ? » ?»« Des sauvages qui courent les prairies. » « Il nous a paru prudent de vous faire escorte. » « Pouh !» fit J.T. Maston en escaladant sa monture. « Enfin, reprit le Floridien, c'est plus sûr. »« Messieurs, répondit Barbicane, je vous remercie de votre attention et maintenant, en route. » La petite troupe s'ébranla aussitôt et disparut dans un nuage de poussière. Il était 5 heures du matin. Le soleil resplendissait déjà et le thermomètre marquait 84 degrés Fahrenheit, mais de fraîches brises de mer modéraient cette excessive température. Barbicane, en quittant Tampa Town, descendit vers le sud et suivit la côte de manière à gagner le creek d'Alifia. Cette petite rivière se jette dans la baie de Hillsboro, à 12 000 au-dessous de Tampa Town. Barbicane et son escorte côtoyèrent sa rive droite en remontant vers l'est. Bientôt, les flots de la baie disparurent derrière un pli de terrain et la campagne floridienne s'offrit seule au regard. La Floride se divise en deux parties, l'une au nord, plus populeuse, moins abandonnée, à Tallahassee pour capitale et Pensacola, l'un des principaux arsenaux maritimes des États-Unis. L'autre, pressée entre l'Atlantique et le golfe du Mexique, qui les traigne de leurs eaux, n'est qu'une mince presqu'île rongée par le courant du Gulf Stream, pointe de terre perdue au milieu d'un petit archipel et que doublent incessamment les nombreux navires du canal de Bahama. C'est la sentinelle avancée du golfe des grandes tempêtes. La superficie de cet état est de 38 millions 33267 acres, parmi lesquels il fallait en choisir un situé en deçà du 28e parallèle et convenable à l'entreprise. Aussi Barbicane, en chevauchant, examinait attentivement la configuration du sol et sa distribution particulière. La Floride, découverte par Juan Ponce de Léon en 1512, le jour des rameaux, fut d'abord nommée Pâques fleurie. Elle méritait peu cette appellation charmante sur ses côtes arides et brûlées. Mais, à quelques milles du rivage, la nature du terrain changea peu à peu et le pays se montra digne de son nom. Le sol était entrecoupé d'un réseau de criques, de rios, de cours d'eau, d'étangs, de petits lacs. On se serait cru dans la Hollande ou la Guyane, mais la campagne s'éleva sensiblement et montra bientôt ses plaines cultivées où réussissaient toutes les productions végétales du nord et du midi, ces champs immenses dont le soleil des tropiques et les eaux conservées dans l'argile du sol faisaient tous les frais de culture, puis enfin ces prairies d'ananas, d'igname, de tabac, de riz, de coton et de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue en étalant leur richesse avec une insouciante prodigalité. Barbicane parut très satisfait de constater l'élévation progressive du terrain, et lorsque J.T. Maston l'interrogea à ce sujet, « Mon digne ami, lui répondit-il, nous avons un intérêt de premier ordre à couler notre Columbia dans les hautes terres. »« Pour être plus près de la lune ?» s'écria le secrétaire du Gun Club. « Non, » répondit Barbicane en souriant, « qu'importe, quelques toises de plus ou de moins, non. » Mais au milieu de terrains élevés, nos travaux marcheront plus facilement. Nous n'aurons pas à lutter avec les eaux, ce qui nous évitera des tubages longs et coûteux. Et c'est à considérer, lorsqu'il s'agit de forer un puits de 900 pieds de profondeur. Vous avez raison, dit alors l'ingénieur Murchison. Il faut, autant que possible, éviter les cours d'eau pendant le forage. Mais si nous rencontrons des sources, qu'à cela ne tienne, nous les épuiserons avec nos machines ou nous les détournerons. Il ne s'agit pas ici d'un puits artésien, étroit et obscur, où le tarot, la douille, la sonde, en un mot, tous les outils de foreur travaillent en aveugle. Non, nous opérons à ciel ouvert, au grand jour, la pioche ou le pic à la main, et la mine aidant, nous irons rapidement en besogne. Cependant, reprit Barbicane, si par l'élévation du sol ou sa nature, nous pouvons éviter une lutte avec les eaux souterraines, le travail en sera plus rapide et plus parfait. Cherchons donc à ouvrir notre tranchée dans un terrain situé à quelques centaines de toises au-dessus du niveau de la mer. Vous avez raison, monsieur Barbicane, et si je ne me trompe, nous trouverons avant peu un emplacement convenable. Ah, je voudrais être au premier coup de pioche, dit le président. Et moi au dernier, s'écria J.T. Maston. Nous y arriverons, messieurs, répondit l'ingénieur, et croyez-moi, la compagnie du Gold Spring n'aura pas à vous payer d'indemnité de retard. « Par Sainte-Barbe, vous aurez raison, » répliqua J.T. Maston. « $100 par jour, jusqu'à ce que la Lune se représente dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pendant 18 ans et 11 jours, savez-vous bien que cela ferait $658 000 ?»« Non, monsieur, nous ne le savons pas, » répondit l'ingénieur, « et nous n'aurons pas besoin de l'apprendre. » Vers 10 heures du matin, la petite troupe avait franchi une douzaine de milles. Aux campagnes fertiles succédait alors la région des forêts. Là, croissaient les essences les plus variées avec une profusion tropicale. Les forêts presque impénétrables étaient faites de grenadiers, d'orangers, de citronniers, de figuiers, d'oliviers, d'abricotiers, de bananiers, de grands ceps de vignes, dont les fruits et les fleurs rivalisaient de couleurs et de parfums. À l'ombre odorante de ces arbres magnifiques, chantait et volait tout un monde d'oiseaux aux brillantes couleurs, au milieu desquels on distinguait plus particulièrement des craviers, dont le nid devait être un écrin pour être digne de ses bijoux emplumés. J.T. Maston et le major ne pouvaient se trouver en présence de cette opulente nature sans en admirer les splendides beautés. Mais le président Barbicane, peu sensible à ces merveilles, avait hâte d'aller en avant. Ce pays si fertile lui déplaisait par sa fertilité même. Sans être outrement hydroscope, il sentait l'eau sous ses pas et cherchait, mais en vain, les signes d'une incontestable aridité. Cependant, on avançait. Il fallut passer à gué plusieurs rivières, et non sans quelques dangers, car elles étaient infestées de caïmans longs de 15 à 18 pieds. J.T. Maston les menaça hardiment de son redoutable crochet, mais il ne parvint à effrayer que les pélicans, les sarcelles, les phaétons, sauvages habitants de ses rives, tandis que de grands flamants rouges le regardaient d'un air stupide. Enfin, ses hôtes des pays humides disparurent à leur tour. Les arbres moins gros s'éparpillèrent dans les bois moins épais. Quelques groupes isolés se détachèrent au milieu de plaines infinies où passaient des troupeaux de daims effarouchés. « Enfin !» s'écria Barbicane en se dressant sur ses étriers. « Voici la région des pins. »« Et celle des sauvages !» répondit le major. En effet, quelques séminoles apparaissaient à l'horizon. Ils s'agitaient. Ils couraient de l'un à l'autre sur leurs chevaux rapides, brandissant de longues lances ou déchargeant leurs fusils à détonations sourdes. D'ailleurs, ils se bornèrent à ces démonstrations hostiles sans inquiéter Barbicane et ses compagnons. Ceux-ci occupaient alors le milieu d'une plaine rocailleuse, vaste espace découvert d'une étendue de plusieurs acres, que le soleil inondait de rayons brûlants. Elle était formée par une large extumescence du terrain, qui semblait offrir aux membres du Gun Club toutes les conditions requises pour l'établissement de leur Columbiade. « Halt !» dit Barbicane en s'arrêtant. « Cet endroit a-t-il un nom dans le pays ?»« Il s'appelle Stones Hill, » répondit un des Floridiens. Barbicane, sans mot dire, mit pied à terre, prit ses instruments et commença à relever sa position avec une extrême précision. La petite troupe, rangée autour de lui, l'examinait en gardant un profond silence. En ce moment, le soleil passait au méridien. Barbicane, après quelques instants, chiffra rapidement le résultat de ses observations et dit « Cet emplacement est situé à 300 toises au-dessus du niveau de la mer, par 27 degrés 7 minutes de latitude et 5 degrés 7 minutes de longitude ouest. Il me paraît offrir, par sa nature aride et rocailleuse, toutes les conditions favorables à l'expérience. C'est donc dans cette plaine que s'élèveront nos magasins, nos ateliers, nos fourneaux, les huttes de nos ouvriers, et c'est ici, d'ici même, répéta-t-il en frappant du pied le sommet de Stones Hill, que notre projectile s'envolera vers les espaces du monde solaire. »